Il croit en Allah et au jour dernier, ordonne le convenable, interdise le blâmable et concourt aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien.